qui t'en bongissait, mon salaoyo, dika badongolo mison, mon sana bango wanae, mon sala kontongo baton, mon sala konfinga baton, mon sala konkata baton, mon sala kodindi sa baton, bilo balomana bangoe, baebi bangona kisa soyo, baebi bangona Afrika, bakomi konkota poto, pona bilo balobae, kolanda bangoteo. Landa mosala kota la simate, bimisa mongongo e. Luambo e na landa teo, Luambo e na loba ninyo, Biso to lukakaka ninyo, Operasyon e, miziki ya zaido, e mata e, ba problem ya moto na moto, etalise ye moko e, kozwa na yeto akele liye, etali biso teo, Peuple y compta musique yoka, y compta papa labre, gagne ok jazz, et aniseli sanoe, aïe manguanae. Bébé zalima, bébé gyo, ya ya, gayo na koufa pambae, ondongoe. Ok, loco. Yeah. On entre, ok. On sort, KO. Samba Bada en direct de Kinshasa. Yeah. Avec le tout puissant au Kenya. À la danse, à la danse. Bambae, Odongoe. Bebe Zalima, Bebe Gyo, Yaya, Bye.